Amis humains, bonjour. Les paradis fiscaux. Écoutez. Les paradis fiscaux gèrent la bagatelle de 30 000 milliards de dollars environ. La non-pénalisation du blanchiment d'argent. L'absence d'impôt sur le bénéfice ou le revenu. L'absence de taxes sur les donations et les successions. Le secret bancaire, l'existence de comptes anonymes et numérotés. La non-obligation pour le banquier de connaître le client. L'interdiction pour le banquier de dévoiler aux autorités judiciaires ou fiscales le bénéficiaire d'une transaction ou le titulaire d'un compte. L'absence de contrôle des transactions financières. L'absence d'obligation pour le banquier de tenir un livre financier. L'existence d'instruments monétaires au porteur. L'absence ou la faiblesse d'organismes de contrôle bancaire. La présence de zones franches. L'existence de comptes bancaires en dollars. L'absence d'obligation pour le banquier d'informer les autorités sur des transactions douteuses. La dissimulation d'informations et de statistiques par les institutions financières nationales. L'absence ou la faiblesse de moyens d'investigation, d'enquête judiciaire. Sur les activités criminelles ou corruption généralisée. La présence intensive d'opérations financières étrangères. L'absence de loi sur la saisie d'actifs. L'absence de contrôle de filiales de groupes multinationaux. On sait que l'État se justifie inlassablement par la même litanie, nos moyens sont limités. L'argent sale issu des commerces illicites, drogue, prostitution, vente d'armes, représenterait 500 à 1500 milliards de dollars d'après le Fonds monétaire international. 50% serait réinvesti dans l'économie licite, par le blanchiment. 95% des échanges boursiers se font dans un but purement spéculatif. Démultiplication de l'argent au détriment de la production des biens tangibles, dégagés de toute contribution sociale. L'évasion fiscale, par les paradis fiscaux notamment, représente annuellement en France l'équivalent du déficit de l'État, soit environ 40 milliards d'euros. Liste des paradis fiscaux, d'après Jean de Maillard, Un monde sans loi, Stock 1998. Antilles, Bermudes, Bahamas, Turks et Caicos, R&P. Dominicaine, l'île Vierge britannique, l'île Vierge américaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Anguilla, Antigua et Barbuda, Montserrat, Barbade, Saint-Vincent et Grenadine, Caïmans, Jamaïque, Aruba. Antilles néerlandaises, Grenade. Amérique centrale, Belize, El Salvador, Costa Rica, Panama. Amérique du Sud, Uruguay, Paraguay. Afrique, Gambie, Libéria. Atlantique, Cap-Vert, Sainte-Hélène, Madère. Pacifique, Polynésie française, île Pitcairn, île Cook, archipel Tonga. Fidji, Vanuatu, Samoa occidentale, Nauru, île Marshall. Asie, Labuan, Philippines, Hainan, Hong Kong, Singapour, Afghanistan, Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman. Océan Indien, Maldives, Seychelles, Maurice. Europe, Dublin, Jersey, Guernesey, Alderney, Sark, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Île-de-Man, Luxembourg, Suisse, Liechtenstein, Monaco, Vatican, Malte, Chypre, Liban. Implantation des banques dans les paradis fiscaux, nombre de filiales ou succursales. Banque Populaire, 6, Banque Nationale de Paris, 23, Crédit Agricole, 13, SIC, 11, Crédit du Nord, 16. Crédit Mutuel, 11, Banque Directe, 23, Banque Lazare, 4, Société Générale, 16, Crédit Lyonnais, 16. Des mesures de rétorsion contre les paradis fiscaux. Imposer la traçabilité des opérations financières internationales, restreindre la pratique du secret bancaire, appliquer des sanctions contre les établissements financiers qui refuseraient de coopérer, avec publication de leur refus. Geler les relations avec toutes les entités juridiques non transparentes, centres offshore, sociétés écrans. Rendre plus efficace au niveau européen et mondial la lutte contre la criminalité financière, l'unification des règles fondamentales de droit pénal et la création d'un parquet européen ou d'un tribunal pénal international contre la criminalité financière. D'après Attaque 44, 2002, site www.attaque.org/attaque44/. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.